Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver en ce froid glacial, car se mettre du métal en fusion, ça va vous réchauffer les esgourdes et puis les cinq sens de votre corps, j'imagine. Donc voilà ce qu'il vous reste à faire. Écoutez Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, comme tous les mardis soirs. Ce qui vous attend ce soir, c'est quelques nouveautés qui seront au nombre de 4. Comme à chaque fois, on fera donc un petit survol de tous les genres et sous-genres qui composent notre style musical préféré. Et bien, on va commencer tout de suite avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. C'est le EP de Wireage, groupe de métal progressif de la région parisienne qui s'appelle Salt of the Earth. Et on va se faire donc le morceau qui a donné son titre à ce EP. There's nowhere we can stand on the dark. Salt of the Earth, extrait du EP du même nom, ça c'était le groupe Wire Age. Voilà donc bien comme il faut pour ouvrir l'émission. Eh bien on va se faire donc une des premières nouveautés de la soirée avec un groupe qui nous vient non pas du sud des États-Unis comme on pourrait le croire avec le nom, mais de la région lyonnaise, c'est Diesel Dust. Alors Diesel Dust c'est un groupe de rock sudiste qui existe depuis une bonne vingtaine d'années. Et bon, qui a suivi pas mal de changements de line-up et tout ça, et qui fait du gros hard rock, très inspiré, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, mais quand même pas que ça non plus. Et ils en sont à leur quatrième album, qui est sorti en fin d'année dernière, qui s'appelle Just Another Day. Et on va découvrir ce soir un morceau avec, rien que le titre déjà, on sait où on va, Dixie Highway. Can you see me? Rock'n'roll, tout ça, ben ça fait du bien. Ça, c'était Uncut et leur dernier album Space Cowboys. Et c'était donc Neptune's Greed qu'on vient d'avoir. Et juste avant, donc, la première nouveauté de la soirée venue de Lyon, quatrième album pour donc, les Lyonnais de Diesel Dust qui s'intitule Just Another Day. Et c'était Dixie Highway qu'on venait de s'écouter. On va faire un petit tour du côté de Nashville, si vous voulez bien, où on va retrouver Nickelback, qui en avait profité donc pour leur dernière escapade dans cette capitale de la country pour enregistrer leur premier live. Et on va se faire le morceau, allez, je pense, le plus connu sans problème, How You Remind Me. Ça, c'est ce morceau, je pense qu'il les a vraiment fait décoller. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a bullet stealing. Tried to lead it like a blind man. I'm sick of silent out of sense of feeling. And this is how you remind me. Here we go. This is how you remind me of I really am. This is how you remind me. I'm toujours du bien d'entendre ça. Come to Life, Alter Bridge, extrait du triple CD Live at the O2 Arena plus Rarities, sorti en 2017. Juste avant, c'était Nickelback avec son Live from Nashville, sorti en fin d'année dernière. C'était leur grand classique How You Remind Me. On va se faire encore une nouveauté, la deuxième de la soirée, donc dans un style metal moderne avec Z Family. Alors Z Family, c'est un projet de Yves Z de Terzibashian que vous connaissez sûrement pour avoir l'avoir vu dans Dagobah, The Coyote Dessert et plein d'autres choses. Et là donc, c'est son troisième album sous son nom Z Family. Et nous a sorti donc un EP qui s'appelle Chapter 3 The Dark Awakening, qui succède donc très logiquement après un Chapter 1 Born From Noise, Chapter 2 Origin, donc que nous amènera le quatrième, je sais pas, mais en tout cas ce troisième chapitre de ce Z Sa Family, mélange de metal alternatif, pas loin d'Alter Bridge par moment, de Korn aussi, enfin bref, le genre de truc qui ferait certainement un carton de l'autre côté de l'Atlantique. Inner Demons, c'est le morceau qu'on va découvrir ce soir. To 19h38 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est bien Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Le temps passe très vite hein, quand on a de la bonne musique. Là, c'était les excellents The Silent Era avec leur premier album White and Deep and Cold. Excellent premier album pour ces Anglais avec Paradise Beach à l'instant, justement, juste avant, venu de Marseille, Z Family et son troisième album Chapter 3 The Dark Awakening, c'était Inner Demons. Et bah maintenant on va revenir donc à l'interview que j'avais eu la chance de faire avec le groupe Iceland, le groupe de thrash de metal parisien, quand ils étaient venus nous rendre visite à Orléans lors de leur concert au Dropkick. Donc on va reprendre la suite de l'entretien que j'avais fait avec ces joyeux drilles fin de l'année dernière. J'espère que j'ai bien calé. Allez, je vous envoie ça. Ah, quand même, c'est... L'autoproduction avait mauvaise presse autrefois parce qu'on se disait que c'était pas gage de qualité. Aujourd'hui, une autoproduction va sonner comme un album produit qui a été fait par une maison de disques traditionnelle qui existe de moins en moins d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de groupes comme nous, et voire un petit peu plus connus, qui s'autoproduisent et qui ont les moyens techniques en fait de le faire. C'est ça qui est génial. De toute façon, maintenant, même chez soi, avec du matériel lambda, entre guillemets, on peut faire un travail vraiment de super qualité et présenter ça et dire voilà. Diffuser ça en radio sans qu'on se dise aïe quand même. Non. Ah, non. Du coup, il y a pas mal de diffusion de plein de groupes, on a le choix. Ça démocratise vraiment beaucoup. Il y a énormément de groupes, il y a malheureusement de moins en moins de salles, c'est un peu plus compliqué pour se produire, mais le nombre de groupes, il est vraiment présent. On a un terreau de musiciens en France qui est vraiment, vraiment bien. Le problème, c'est qu'il y a des fois, il y a peut-être trop de groupes aussi, ça... Ah, ça, ouais, c'est pas ouais. La qualité a augmenté, mais le nombre de groupes aussi. Le nombre de salles aussi, mais c'est pas proportionnel. Donc on se retrouve avec, pour un petit festival régional ou voire communal, avec 700 demandes de groupes sur ces genres de programmation. C'est pour sortir son épingle du jeu, c'est impossible, pratiquement impossible. Ou alors il faut vraiment avoir une notoriété, etc., etc. Donc c'est pas facile. Non, le public est quand même moins présent qu'avant. Moi j'ai beaucoup moins. C'est la génération actuelle, l'écran, beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que les caracas et tout ça bougent quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal présent. Mais bon, de toute façon, je pense que les fans de rock, entre guillemets, hard rock, metal ou autre, seront toujours des gens qui auront envie de voir vraiment de la vraie musique live. Ouais. Avec tout ce que ça implique, y compris les imperfections et autres. Justement, c'est ça qui est important. C'est important. Important. La consommation de la musique a complètement changé. En fait. Ah oui. Mais c'est ce que tu dis. Consommation. Ouais. C'est de la consommation. Moi, je dis écoutez. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Voilà. Si, ah oui. Si. Donc, malheureusement, effectivement, entre 15 et 25-30 ans, ça consomme. Voilà. Ça consomme plus. Après, tant qu'ils consomment de la bonne cam, tant mieux. Enfin, de la bonne cam, de la bonne musique, j'entends. Oui. N'exagérons pas. Non, mais je pense qu'on était fidèles à nos groupes préférés. On restera fidèles à ces groupes-là. Peut-être que la génération d'aujourd'hui, en effet, va picorer à droite, à gauche, va très très vite oublier ce qu'ils ont aimé, et puis aimer quelque chose peut-être plus mainstream. Bah, nous, on a eu la chance, notre génération, de voir éclore des groupes comme Maiden, Metallica, je sais pas, Pantera, s'il y avait encore... Anthrax, même Van Halen. Oui, c'est évidemment... on a vu éclore tous ces... J'adore tous ces groupes-là. Tu viens de se citer, moi j'adore. Vous dites, tout ça, c'est chez nous, quoi. Toi, c'est nous. Parce que je trouve qu'en ce moment, qu'il y a beaucoup de jeunes groupes qui sont très inventifs, qui sont... Mais est-ce qu'ils arriveront, par contre, à faire des carrières et à s'implanter dans l'esprit des gens? Par exemple, vous dites Iron Maiden, tout le monde connaît. Ah, même oui. Les gens qui n'écoutent pas de métal, même s'ils ne connaissent pas spécialement la musique, ils connaissent le nom du groupe, ça leur dit quelque chose, etc. Vous êtes très content, c'est normal. Ce sont des artistes qui ont proposé quelque chose d'original à la base. Ça ne se faisait pas. Voilà. Aujourd'hui, on rencontre une uniformisation de la musique métal. Alors bon, on va avoir du djent, on va avoir du deathcore, du death melody, mais tout ça, les voix sont les mêmes, ouais. Pratiquement. Le son est le même. Voilà, techniquement, ça sonne pareil. Donc je pense que si un jour, on a la chance de voir un groupe émerger, genre Metallica, puisque les anciens vont prendre leur retraite, ce seront des gens qui vont proposer quelque chose d'inédit. Différent. Ce qu'on n'entend pas aujourd'hui. Parce que c'est vrai que tous ces groupes-là qu'on a cités, ben, ils sont quand même plus près de la fin que... Oui, bien sûr. Et Nicole McBrain, 72 ans. Oui. Là, j'ai vu, il est toujours là. Là, j'ai vu Deep Purple récemment, ils ont pas loin de 80 ans, quoi. Ouais, mais là, ça commence à être vraiment compliqué. Bon, pas sûr encore, hein, mais c'est vrai que... C'est beaucoup de mal. Le dernier album est très très bon. Ah, je suis entièrement d'accord. Je ne suis pas très objectif quand on parle de Deep Purple, parce que c'est un de mes groupes préférés. Mais là, le chant, bon, c'est pas ça. C'est plus ça, évidemment, mais c'est pas sûr. Mais la musique, je... Puis au moins, ils essaient pas de tricher. Non, mais au moins, ils nous ont triché. Non, rien à prouver à personne. Voilà. Non, quand on est une légende. Oui, tu vois. Mmh. Il y a des petits chanteurs. Voilà. Il y a Dylan et les autres. Ouais, enfin, avant, hein. Oui. Oui, enfin, au niveau feeling, au niveau, quand même, je trouve qu'il y a quelque chose. Bien sûr, il ne chante plus comme avant, il n'a plus les capacités, mais je sais pas, je vois, j'étais avec un ami qui avait sa fille qui avait 15 ans, quoi. Elle est ressortie de là. C'est une claque pour les plus jeunes. C'est une claque. Pourtant, on peut se dire, t'es papa, t'es gentil, mais ton groupe de vieux, il commence à un peu à... voilà. Alors, dans l'immédiat, quel est le futur de prévu pour Iceland, donc ce nouvel album? Le nouveau disque, c'est lui qui va sortir, on ne sait pas quand, mais il est en... 2025. Voire 2025, et là, hier soir, on a enregistré encore. Non, on va faire les guitares en studio. On va enregistrer les guitares. C'est en production. Voilà. Donc, je vais vous laisser un petit peu à vos occupations pour vous échauffer pour ce soir, là. On va déjà se sustenter. Je suis désolé, hein. Non, c'est un plaisir. Une question toute con que je pose systématiquement, c'est comment décririez-vous Iceland à quelqu'un qui ne connaît pas, si vous voulez le convaincre d'écouter? J'apprécie la solidarité de tes collègues. On va le laisser parler. J'avais un son heavy metal avec un soupçon de trash à l'ancienne, tout ça agrémenté d'une sauce mélodique, avec en prime un vrai chanteur qui chante. Voilà. Oui. Voilà. Et une énergie sans faille et sincère. Quelque chose à rajouter? Oui, on n'a pas l'air de. On n'a pas l'air d'être ce que l'on est. Donc, à méditer. Voilà. Venez nous écouter un concert. Et il y a le live. Déjà, un très bon ensemble. Bon, toute dernière question, c'est un petit mot pour les auditeurs d'Electric Shock. Oui, c'est bon. Continuez d'écouter du métal, continuez d'écouter du hard rock, continuez de vivre vos passions, sortez en concert. Exactement. Faites-vous plaisir, bordel de merde, c'est beau la vie, c'est beau. Voilà. Il faut soutenir les artistes locaux. Ça va venir faire la fête. Voilà, une bonne conclusion. Merci les gars. Pas de rien. Merci à toi, bon concert. Et voilà, donc ça c'est de la conclusion. C'était donc la suite et la fin de cette interview plutôt décousue. C'est vrai que j'avais pas préparé grand chose avec Iceland, mais comme vous avez pu le constater, les gars sont vraiment sympas et c'était vraiment un plaisir de discuter avec eux. Ça avait été réalisé donc le 30 novembre dernier au Dropkick. Ben, la semaine prochaine, je vous inviterai à découvrir par contre le groupe Ice Chemicals, dont on avait passé des extraits, on avait passé d'ailleurs tout le EP récemment, et que j'ai interviewé aussi dans le même contexte. En attendant, on continue avec un groupe légendaire qui a fêté ses plus de 50 ans de carrière, Blue Oyster Cult, là, qui nous est revenu avec trois lives successifs où le groupe jouait l'intégralité des trois chaque soir un de leurs albums cultes, c'est les trois premiers. Le troisième soir est sorti avec donc l'intégralité de l'album Secret Treaties, dont on avait découvert la semaine dernière. Et il y a aussi, pas uniquement cet album, il y a aussi d'autres morceaux, bien sûr, parce que voilà, un concert juste avec un seul album, ça ferait peut-être un petit peu juste, surtout quand on sait qu'à l'époque les albums faisaient quoi, 35-40 minutes. Mais Blue Oyster Cult a voulu aussi en profiter pour rejouer des morceaux un peu rares, oubliés, voire même des fois complètement inédits. Celui-ci n'est pas spécialement un des plus connus, et pourtant il fait partie de l'album Spectre, qui était sorti en 1977. Et là, on va s'envoyer Golden Age of Leather, donc extrait du 50th Anniversary Live in New York, Third Night. Here we go. Raise your can of beer on high and seal your fate forever. Oyster Cult avec à l'instant Tainted Blood, un morceau à l'origine qui était sur The Symbol Remains, leur dernier album studio sorti en 2020. Et avant un des leurs classiques extraits de Spectres, The Golden Age of Leather. Donc ces deux extraits sont sortis du live, 50th Anniversary Live in New York, Third Night, qui existe en CD, vinyle, CD plus DVD ou Blu-ray, enfin au choix. On va se faire une nouveauté maintenant, si vous voulez bien. On va se faire un petit peu de death metal avec un groupe qui s'appelle Corrosive Elements. Corrosive Elements, c'est un groupe qui existe depuis bientôt 20 ans, oui, puisqu'ils sont formés en 2005. Ils sont originaires de la banlieue parisienne. Ils ont sorti leur premier EP en 2008 et leur premier album en 2015. Vous voyez, ils ont vraiment mis le temps. Et un petit album live en 2016. Et depuis, plus rien. Enfin, ça ne veut pas dire que le groupe n'a rien fait entre temps. Et la fin novembre, ils ont sorti leur nouvel album qui s'appelle Cut the Serpent's Head. Alors, si vous aimez Napalm Death, Slayer, Sepultura, enfin bref, du trash death, vous allez adorer. Extrait donc de cet album, ça s'appelle, ouais, c'est tout un programme, So Long Sucker. Ce petit moment de douceur vous est offert par Electric Shock. Electric Shock, tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Miss Fortune à l'instant avec Warp Psychos, extrait de leur album Collapsing Serendipity. Et juste avant, tout nouveau, tout beau, tout chaud, puisque c'est une nouveauté, la troisième de la soirée, Corrosive Element et leur nouvel album Cœur de Serpent's Head, et c'était So Long Sucker. On va faire un petit tour maintenant en Hollande, retrouver D-Lane. Groupe D-Lane, donc, qui a subi quand même pas mal de changements de personnel suite au dernier remaniement effectué par Martin Westerholt. Nouvelle chanteuse, nouveau look, enfin bref, nouvel album sorti en 2023. Il a un EP un peu fourre-tout dont je vous ai présenté la semaine dernière avec un morceau inédit. Et il y a également du live aussi sur ce EP, histoire de voir ce que vaut cette nouvelle chanteuse aussi. Donc, mix de morceaux du dernier album et des classiques de ce groupe hollandais. Eh bien, tout d'abord, on va se faire une petite version live, tiens, de The Cold, qui extrait de The Raging Waters. Donc ça, c'est extrait du EP, enfin, quand je dis EP, il fait quand même plus d'une heure, de D-Lane, Dance with the Devil, sorti en fin d'année dernière. Now be as loud as you can be for this next X1, this is Burning Bridges. Ainsi que The Cold, donc deux versions live qu'on peut trouver sur le EP de Delay in Dance with the Devil, qui contient morceaux inédits, morceaux réenregistrés, versions instrumentales et aussi, donc, comme vous avez pu le constater là, beaucoup de live. Revenons maintenant à un groupe de post-metal que je vous ai présenté il y a quelques semaines, même en fin d'année dernière, Altarossa. Donc, si vous aimez du méchant, du furieux, ça va vous plaire et c'est très bien fait. Donc, extrait de cet album A Defiant Cure, on va se faire From This Day On. Et avant, petite intro, Where We Drown Our Nightmares. Mm-hmm. Slayer is Dead, long live Kerry King. From Hell I Rise, et ben From Hell I Rise, c'est le titre du premier album solo de l'ancien guitariste Slayer, et c'est également le titre dont on vient de s'écouter ce soir. Putain que ça fait du bien de se réécouter ça. Ah la vache, Slayer, on les oubliera jamais, ça c'est clair. Juste avant, c'était Alta Rosa et leur album Different Cure avec From This Day On et la petite intro Where We Drown Our Nightmares. Revenons maintenant à un groupe qui va fêter ses 40 ans de carrière, c'est Helloween, puisque c'est année chargée pour donc les Teutons, puisque cette année déjà, la fin d'année dernière, on a eu donc la sortie donc du live à Budokan, enregistré donc à Tokyo dans cette fameuse salle mythique. Donc concert de la tournée de l'album éponyme, dont on avait pu avoir un super concert nous à l'Olympia, c'était en août 2022. Nouvel album attendu avant la fin de l'année et passage aussi remarqué, je pense, qui sera au Zénith, où le groupe nous a promis déjà qu'il rejouerait des morceaux oubliés, voire même jamais joués. Donc je pense que ça va être un très très grand moment, ces 40 ans de carrière. En attendant, on va revenir à ce live à Budokan et on va se faire les deux petits classiques. Tout d'abord, extrait du Keeper of Seven Keys Part 1, le fameux Future World. la vache, en fermant les yeux, je me recroyais, voyais encore à l'Olympia en 2022. Power et Future World, donc deux classiques d'Halloween, extraits donc du live à Budokan, sorti en fin d'année dernière. Et on va se faire maintenant la dernière nouveauté de la soirée. Et ça, c'est l'avantage de la radio, c'est que sans bouger de chez soi, on voyage à travers le temps et l'espace. Là, on était au Japon avec Halloween, là, on va faire un tour en Italie. On va découvrir ou redécouvrir un groupe italien de métal alternatif qui s'appelle Keylogre. Enfin, ça s'écrit Clogre, mais ça se prononce Keylogre. Enfin, j'ai du mal avec ça. Donc, ils existent déjà depuis un certain nombre d'années, une bonne dizaine d'années maintenant. Et je me souviens que, ouais, on avait déjà reçu le premier album Till You Decay en 2011. Je me rappelle plus si on avait reçu le suivant aussi. Ah bah ouais, la mémoire me joue des tours. Enfin, toujours est-il qu'ils viennent de sortir donc leur quatrième album Fractured Realities en fin d'année dernière. Et là, on va s'en faire un petit extrait avec Gravity of Fear. We'll be right back. fin de notre petit périple autour du monde. Là, on était en Afrique du Sud avec Caesar et leur dernier album The Surface Seems So Fair. C'était Try to Heal. Et juste avant, c'était d'ailleurs la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. On était faire un petit tour en Italie, retrouver le groupe K-Logger et son nouvel album Fractured Realities. Et on s'est écouté donc Gravity of Fear. Et on attaque le dernier quart d'heure de l'émission. Et pour ça, on va revenir chez nous à du Made in France. On va revenir au premier album de Stubborn Trees, The Stronger the Wind. Et là, on va s'écouter donc le morceau Step Down. Change my mind, and nothing gonna break my stride. Someone Petit détour en Belgique où on retrouvait Besma avec son album Assembly Line et c'était donc Mise en Abîme. Juste avant Besma, Stubborn Trees et son premier album The Stronger the Wind et on a eu Step Down pour nos oreilles. Eh bien, il va être temps de se dire au revoir, mais on a le temps de se faire un dernier morceau avant de se quitter et de laisser la place à Electro Live. Eh bien, on va un petit peu commencer comme on va finir comme on a commencé, c'est avec du métal progressif. Et ben, on va terminer donc avec le groupe Tesuji et son album Mirage. Et le morceau de ce soir pour se dire au revoir, ça va être Cries from the Deep. Cries from the Deep de Tesuji, ben voilà, de extrait donc de l'album Mirage. C'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, voilà, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Et ben, j'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine, où il y aura encore, bien sûr, des surprises, entre autres, l'interview de Ice Chemicals, voilà, donc, ce qui vous donnera peut-être envie de découvrir un petit peu davantage. Donc Electric Shock, c'est fini pour ce soir, mais la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel, puisque Christophe et Electro Live, je ne sais pas ce qu'il va nous proposer ce soir, on va voir ça tout de suite avec lui. Salut. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer aux auditeurs donc d'Electro Live, aux Dead Night Clubbers ce soir? Un set Tech House ce soir, avec, bah, tu vois un live sur Twitch, hein, si vous voulez voir les locaux de la radio.